Abraham était un païen idolâtre quand Dieu l'a appelé à quitter la ville d'Ur en Chaldée pour se rendre au pays de Canaan, l'actuelle Palestine. Et il était parti, obéissant à l'ordre de Dieu. Des années plus tard, il était arrivé au pays promis en vertu de sa foi dans le Dieu de gloire. Nous lisons, chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, versets 9 à 10. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oh, qu'il est difficile pour nous, en notre siècle de matérialisme effréné, de nous ranger derrière les héros de la foi des temps passés, et même de comprendre les mobiles qui les ont poussés à se décider pour le Seigneur. Dieu a parlé aux patriarches, et ils ont répondu à son appel. Ils ont sacrifié leurs aises et leurs habitudes, ils ont vendu leurs biens et se sont expatriés, sans se soucier du lendemain avec son cortège d'impondérables. Pour eux, une seule chose comptait, obéir à Dieu. Ils ont laissé à d'autres leur demeure luxueuse de Chaldée pour vivre sous des tentes. Camping qui a duré des années avec toutes les vicissitudes de la vie nomade en pays hostile. Mais peu importaient les tentes, puisque pour les patriarches, elles étaient l'antichambre du ciel et de la cité dont Dieu est l'architecte. Peu importaient la terre étrangère et les perpétuelles vexations des Cananéens, puisque la meilleure des patries les attendait. Peu leur importait le statut inconfortable d'étrangers et de voyageurs sur terre, puisque leur véritable état civil était au ciel et qu'ils en étaient déjà les citoyens. Nous lisons Hébreux 11, versets 13 à 16. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Dieu n'a pas honte d'hommes et de femmes qui se laissent transformer par une foi dynamique devenue la raison d'être de leur existence. Et si une telle foi a rempli les patriarches de l'espérance éternelle du ciel, elle s'est démontrée avant tout dans leur vie quotidienne que les réalités divines pénétraient de part en part. Oh, ils ont eu tout comme nous leur lutte et leur moment de découragement, et leur foi n'a pas été sans faille. À diverses reprises, Dieu avait promis une postérité à Abraham et à sa femme Sarah. Mais ils n'étaient plus en âge d'avoir des enfants. Et ils ont eu bien de la peine à envisager cette future naissance qui défiait toutes les lois de la nature. Genèse, chapitre 17, nous révèle qu'Abraham a ri quand l'Éternel lui a annoncé la naissance d'Isaac. Puis, Genèse, chapitre 18, nous montre que ce fut le tour de Sarah de rire lorsque Dieu renouvela sa promesse quelque temps plus tard. C'est du reste pour cela que leur fils fut appelé Isaac, car Isaac signifie « rire ». Mais lorsque la foi chancelle, Dieu ne se laisse pas arrêter dans ses plans. « Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là !» Romains chapitre 3, versets 3 à 4. Peu à peu, Abraham et Sarah se sont mis à compter sur l'impossible. C'est pourquoi Hébreux 11, versets 11 à 12, commente ces événements en ces termes. « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. » Après 40 siècles, le chemin de la foi demeure le même pour nous. C'est une voie pavée des promesses de Dieu. Mais hérissée d'obstacles dressés par l'incrédulité qui rejaillit encore et toujours de nos cœurs. Cependant, les contrariétés sont nécessaires à notre foi. Les problèmes insurmontables à vue humaine sont des aliments indispensables à la croissance de la foi pour qu'elle devienne invincible. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Épître de Jean, chapitre 5, verset 4. La vie de foi n'a rien de statique, puisqu'elle s'inspire de l'Écriture sainte qui, elle, n'est jamais statique. La vraie foi n'est jamais satisfaite, elle ne se contente jamais de ce qu'elle a déjà obtenu, mais elle nous entraîne toujours vers de nouvelles conquêtes pour Jésus-Christ. Alors que nous avons tendance à nous endormir sur nos lauriers et à nous complaire dans les victoires passées, la foi nous engage toujours à surmonter de nouveaux obstacles et à entreprendre de nouvelles conquêtes. À titre d'exemple, voyons ce qui s'est passé pour Abraham quand son fils Isaac était devenu adolescent. Dieu l'a convié à l'épreuve suprême. Il devait offrir son fils en sacrifice, lui, l'objet de tant de promesses. Nous lisons Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommée pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il recouvra son fils. Quelle foi ! Et combien inspirante pour nous ! Abraham n'a pas hésité à lier son fils sur l'autel, car il savait que Dieu ne s'était pas trompé lorsqu'il lui avait demandé de le sacrifier. Il était persuadé que Dieu est puissant, suffisamment puissant même pour ressusciter Isaac. Et Abraham vivait tellement en communion avec son Dieu qu'il était rempli de l'esprit de la résurrection, cette résurrection de Jésus-Christ, dont son acte de foi à l'égard d'Isaac était une préfiguration. Par la foi, les patriarches fixaient leur regard vers l'avenir, vers l'accomplissement des promesses, vers l'éternité avec Dieu. Nous vous invitons à lire Hébreux chapitre 11, versets 20 à 21. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Considérez ces hommes parvenus au bout de leur pèlerinage terrestre. Pour eux, rien n'est fini. Tout commence. Et par la foi, ils ont révélation de l'avenir. Ils annoncent des événements qui s'accompliront après des siècles, que dis-je, après des millénaires. Considérez aussi Joseph, devenu gouverneur de l'Égypte. Il aurait eu toutes les bonnes raisons pour s'incruster dans la civilisation des pharaons. Mais il savait très bien que pour sa famille, les rives du Nil n'étaient qu'une étape dans un long pèlerinage vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous lisons Hébreux 11, 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Immobilisé sur son lit de mort, Joseph avait annoncé à ses frères, à l'intention de ses arrière-petits-enfants, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Genèse chapitre 50, verset 24. Et comme l'objectif de sa foi éclipsait tout autre but, il a ajouté « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Car Joseph croyait fermement qu'un jour, son peuple sortirait d'Égypte et retrouverait la terre promise, ce que nous raconte le livre de l'Exode. Pour Joseph, comme pour nous, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Au siècle passé, le missionnaire écossais Robert Moffat s'était établi en Afrique méridionale. Il y avait plus de 10 ans qu'il annonçait l'évangile au Botswana sans qu'aucun d'eux ne manifeste le moindre intérêt pour Jésus-Christ. Un jour, Moffat reçut une lettre des membres de son église en Écosse qui ne l'oubliaient pas dans leurs prières. Ils désiraient lui offrir un cadeau et lui demandaient ce qui lui ferait plaisir. Dénué de tout dans son travail de pionnier, Moffat aurait eu mille et une choses à demander. Mais il n'a pas hésité un instant. « Si vous voulez me combler, écrivit-il, envoyez-moi un service de communion pour que je puisse prendre la scène avec mes convertis africains quand Dieu me les donnera. » La lettre mit des mois à parvenir en Écosse, et de nouveaux mois s'écoulèrent jusqu'à ce que le colis arrive en Afrique du Sud. Mais lorsque Moffat déballa le service de communion, il avait eu la joie d'amener 12 Africains à la foi en Christ et il pouvait célébrer le premier service de Sainte-Cène sur sa terre d'adoption. Par la foi, il avait gagné la bataille spirituelle et ses ardentes prières avaient été exaucées. Chers auditeurs, notre foi est-elle vivante, conquérante, triomphante? Apprenons donc à suivre les traces des innombrables héros de la foi qui nous ont précédés, ces hommes, ces femmes qui ont voulu vivre en étrangers et voyageurs sur la terre, pour mieux se préparer à leur citoyenneté céleste et à leur récompense éternelle.